إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc le cours qui va suivre, c'est la suite des cours que nous avions entamés dans un séminaire précédent dans la ville de Romans, qui concerne un écrit, une risala, du grand savant, le Cheikh Dr. Salih ibn Sa'd al-Suhaymi, hafidhahullahu ta'ala, l'enseignant dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Et à Romans, nous avions entamé sept cours sur cette risala qui s'intitule « Muzakkiratun fil aqidah », un rappel ou un précis sur le dogme islamique. Et du fait qu'on n'avait pas terminé cette risala, donc j'ai préféré la continuer dans ce séminaire. Donc le cheikh hafidhahullah dit al khamis al ibada wa anwa'uha. Donc cinquième chapitre, l'adoration et les différentes sortes d'adoration. Al ibada fi al-lugha ma'naha at-tadhallul wal khudu' wa shar'an هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهي مبنية على أصلين إخلاص العبادة لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh nous dit, حفظه الله, l'adoration dans la langue, littéralement, c'est l'humilité et la soumission. Et d'un point de vue religieux, le sens religieux de ce terme, c'est un terme général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes intérieurs et extérieurs. Et cette adoration, elle est basée sur deux fondements. Deux règles de base. La première, que cette adoration soit accomplie sincèrement pour Allah seul. Et deuxième point ou deuxième règle de base, c'est que cette adoration, elle soit dans le suivi en conformité de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَصِحْ كما بينا ذلك مفصلا في الكلام على شروط قبول العمل. Et si cela n'est pas réalisé, on n'a pas ces règles, ces fondements sur lesquels est basée l'adoration, si elles ne sont pas réunies, alors cette adoration sera invalide. Elle sera caduque, comme nous l'avons vu en détail lorsqu'on a parlé sur les conditions de l'acceptation des œuvres. Walil ibada anwa' kathira yajib sarfuha jami'an lillahi subhanahu wa ta'ala. Et concernant l'adoration, il y en a plusieurs sortes d'adoration. Et il est un devoir, une obligation de diriger toutes, de vouer toutes ces adorations pour Allah, glorifié soit-il et élevé soit-il. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكْ كَافِرٌ. Donc toute personne qui viendrait à diriger une quelconque adoration ou à vouer un culte à autre que Allah, cette personne se deviendra un polythéiste et un mécréant. ولكثرت هذه الأنواع فإننا سوف نذكر بعضا منها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. Et du fait qu'il y a beaucoup de sortes d'adoration, nous allons parler ou citer certains d'entre eux à titre d'exemple et non pas en essayant de tous les citer. On ne peut tous les dénombrer. Donc, à titre d'exemple, le chef va nous citer certains de ces adorations. Min hadhihi al-anwa', parmi ces adorations, awwalan, premièrement, ad-du'a. Il y a l'invocation. Wa huwa su'alu Allah 'azza wa jall jalb khayrin aw daf'a darrin wa yajib an yakuna khalisan lillah. Donc, qu'est-ce que l'invocation? C'est de questionner Allah, de demander à Allah de nous apporter un bien ou de nous éloigner d'un mal. Et il est une obligation de vouer cette adoration sincèrement à Allah Azza wa Jal. Comme a qala ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Allah nous dit dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai, je répondrai à votre demande, car ceux qui s'enflent d'orgueil à l'encontre de mon adoration, ceux qui ne veulent pas m'invoquer seul sans rien m'associer, ceux-là certainement entreront dans le feu de l'enfer. Wa qala ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Et le Très-Haut nous dit dans le sens du verset, invoquez votre Seigneur avec espoir et crainte. Wa qala ta'ala wad'uhu khawfan wa tama'a. Et le Très-Haut a dit, et invoquez-le par peur et par espoir. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a huwa al-ibada. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'invocation c'est l'adoration. Wal hadith akhrajahu Abu Daoud wa Ibn Majah wa Ahmad rahimallahu al-jami'. Faqad dallat hadhihi an-nusus 'ala anna ad-du'a min akhass anwa' al-ibada wa ahammaha. Donc toutes ces preuves parmi les versets coraniques et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prouve que l'invocation est parmi les adorations les plus précises. C'est pour cela tellement qu'elle est importante dans l'adoration que le prophète a dit que l'invocation, c'est l'adoration. Et parmi les plus importantes adorations. وَقَدْ حَذَّرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ دُعَاءِ غَيْرِ اللَّهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le fait d'invoquer autre que lui. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin de demander, tu ne le fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'invoques que Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux gagner un bien, tu veux repousser un mal, tu ne le demandes qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui seul peut t'apporter le bien, lui seul peut t'éloigner du mal subhanahu wa ta'ala. Comme a qala ta'ala, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Et Allah nous dit dans le sens du verset, et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne saurait lui répondre jusqu'au jour de la résurrection. Et ces divinités, elles en seront indifférentes à leur invocation. Et quand les gens seront rassemblés, elles seront leurs ennemis et nieront leur adoration pour elles. Donc c'est-à-dire que ceux que vous adorez, ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles ne sont même pas au courant de ce que vous faites. Elles sont indifférentes vis-à-vis de l'invocation que vous leur vouez. Et le jour du jugement dernier, quand tout le monde sera ressuscité, elles nieront et elles rejetteront et elles se désavoueront des invocations qu'on leur a données, car ils ne le méritaient pas. وقال تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويوم القيامة ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Dans le sens de verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: dans le sens de Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux que vous invoquez en dehors de lui, ils ne possèdent même pas al-qitmir. Ils ne possèdent même pas al-qitmir. Qu'est-ce que al-qitmir? Vous avez vu la date? Une date qu'on mange. À l'intérieur, il y a un noyau. Ce noyau, il y a une petite pellicule qui l'enveloppe, comme un petit voile blanc. Ce petit voile blanc, cette pellicule, on l'appelle en arabe qitmir. C'est-à-dire que vous en arrivez à invoquer des gens, des personnes ou des choses qui ne possèdent même pas cette petite chose-là. Cette pellicule qui enveloppe le noyau qui est à l'intérieur de la date. Et vous les invoquez, vous leur vouez un culte alors qu'ils ne le méritent même pas. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et si même ils venaient à entendre vos invocations, ils ne pourraient exaucer votre demande. Et le jour du monde dernier, ils mécroiront, ils nieront ce que vous avez accompli comme association et comme polythéisme. Et il n'y a que quelqu'un de bien informé pour vous donner cette information. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe, ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Il sait tout. Et il nous dit même, subhanahu wa ta'ala, les choses, comment elles vont se passer le jour du jugement dernier. Voilà, ceux que vous adoriez en dehors d'Allah, ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah, voilà la situation, ce qui va se passer le jour du jugement dernier. Ils se désavoueront, ils s'innocenteront de ce que vous avez fait. Et ils vous diront qu'ils sont innocents, qu'ils ne vous ont jamais demandé de les invoquer et que l'invocation que leur avait donnée, elle était interdite. C'était du polythéisme et de l'association. هذه الآيات وما جاء في معناها تدل على خطورة دعاء غير الله. Et donc tous ces versets et les versets qui vont dans le même sens prouvent l'interdiction d'invoquer autre que Allah Azza wa Jal. ولا أدري كيف غفل بعض المسلمين عن مثل هذه الآيات. Et le cheikh Hafizahullah dit, et je ne sais pas comment se fait-il que des musulmans ont été insouciants face à ces versets coraniques. Ils lisent le Coran, ils passent par ces versets, puis au final, ils sont insouciants. Ils en arrivent à invoquer autre que Allah, tabaraka wa ta'ala, alors qu'il est bien clair qu'il y a l'interdiction d'invoquer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. لأننا نجد كثيرا منهم يدعون غير الله خصوصا عند المشاهد ومن يسمونهم بالأولياء ظنا منهم أنهم يسمعون دعاءهم. Car on voit beaucoup d'entre eux invoquer autre que Allah, surtout devant les mausolées et devant ces gens qu'ils appellent les saints, en pensant qu'ils entendent leurs invocations. Déjà, ils n'entendent pas leur invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne pourraient exaucer et répondre à leurs demandes. Et cela est interdit. Et combien dans les pays musulmans on le retrouve, hein, ce problème? Les gens qui vont vers les tombeaux, ils vont vers les mausolées, ils vont vers Sidi Foulan, les saints, hein, et ils les invoquent en dehors d'Allah, et ils y vouent des cultes pour autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que celui qui est dans la tombe, il ne possède rien. Lui-même, il appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme toi tu appartiens à Allah. Lui-même, il espère en Allah et il craint Allah. De même, toi, tu dois espérer et craindre en Allah, subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il supplie son Seigneur et toi-même, tu dois supplier ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, pourquoi lui vouer un culte alors qu'il ne peut t'amener ni bien ni mal? Celui qui est capable de toutes choses, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. هذا ويزين لهم الشيطان ذلك حتى يصم آذانهم عن سماع الحق. Et en plus de cela, il y a le diable, le Satan, qui vient alors embellir leurs œuvres, à leur faire croire que leurs œuvres elles sont bien, jusqu'à même à les rendre sourds, de sorte qu'ils n'entendent plus la vérité, qu'ils ne peuvent plus écouter la vérité. ولا أدري كيف تذهل عقولهم إلى حد أن يعتقدوا أن ميتا في قبره يجلب لهم نفعا ويدفع عنهم ضرا. Et je ne sais, le cheikh dit, hafidhahullah, comment leur raison elle a pu les amener à ce stade-là, de sorte qu'ils en sont arrivés à croire ou à en avoir la conviction que le mort dans sa tombe, il peut leur apporter un bien et il peut repousser d'eux un mal. Comme a dit Ta'ala, قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Comme Allah le dit dans le Coran, dans le sens du verset, dit, allez-vous adorer en dehors d'Allah quelqu'un qui ne possède même pas un bien pour vous ni un mal? Et Allah, il est celui qui entend et il est celui qui sait tout, subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, deuxième sorte d'adoration, là c'était l'invocation, al-istiratha, c'est la recherche de secours. La recherche de secours dans les moments difficiles, dans les moments atroces ou d'accidents, hein, de difficultés, eh ben, les personnes, à ce moment-là, ils ont besoin d'appeler au secours. Ils appellent Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans un avion, dans un bateau, dans une voiture, et ainsi de suite. Il arrive quoi que ce soit de très grave, ils se doivent interpeller qui? Et demander le secours auprès de qui? D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas les morts qui sont dans leur tombe, ni les saints, ni les prophètes, ni les anges, personne. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui qui est capable de toutes choses, et lui seul est digne d'être adoré, et d'être invoqué et d'être appelé, subhanahu wa ta'ala. Wa hiya talabu kashf al-kurubat allati tanzilu bil mar' wa hiya naw'un min ad-du'a. Al-istighatha, c'est le fait de demander à Allah, hein, d'enlever un mal qui nous touche, d'éloigner un mal qui nous arrive parmi les grands maux, les calamités, et c'est une sorte d'invocation. En faisant cela, c'est une sorte d'invocation, mais elle est plus précise. Comme a dit Ta'ala, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Comme Allah le Très-Haut dit, dans le sens du verset, lorsque vous demandiez secours à votre Seigneur, et il a répondu à votre appel. وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مُنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابن أبي ابن سلول فقالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله والحديث أخرجه الطبراني وأحمد ولفظ أحمد أنه لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. Donc, et dans le hadith authentique, il est rapporté qu'un hypocrite faisait du mal, nuisance aux croyants. Et c'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était le maître, hein, le chef des hypocrites de Médine. Et certains compagnons ont dit, allez, levez-vous, vous êtes compagnons, on va aller chercher secours auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contre cet hypocrite. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la demande de secours ne se fait pas auprès de moi, mais elle ne se fait qu'auprès d'Allah. Mais elle ne se fait qu'auprès d'Allah. فَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثِ عَلَى تَحْرِيمِ الْإِسْتِغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ. Donc ce hadith prouve l'interdiction de demander ce secours à autre que Allah. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَادِرْ عَلَى أَنْ يُخَلِّصَهُمْ مِنْ هَذَا الْمُنَافِقْ وَمَعَ ذَلِكَ أنكر عليهم الاستغاثة سدا لذريعة باب الشرك. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il était capable de leur venir en aide contre cet hypocrite. Mais il leur a fait le reproche et la réprimande pour fermer la porte à une chose qui peut amener au polythéisme. Pour fermer cette porte-là, il leur a fait la réprimande et il leur a demandé de ne le faire qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فدل ذلك على أن الاستغاثة لا تصح لا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق. Donc le hadith prouve, et tout ceci prouve, l'interdiction de rechercher ce secours auprès d'autres que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم ou une autre personne parmi les créatures. Thalithan, troisième sorte d'adoration, an-nadhr. An-nadhr, c'est ce qu'on traduirait par, les gens traduisent ça par le vœu ou le serment, qui consiste, comme le dit le shir, wa huwa an yulzim al-mar al-mukallaf nafsahu ta'at Allah ta'atan lillahi ta'ala lam takun واجبة عليه قبل أن يلزم نفسه بها وهو من الأعمال التي تقرب إلى الله إذا قصد بها وجه الله بشرط أن يكون طاعة خالصة لها نظائر في العبادات وأن تكون في مقدور الناذر وفي حدود طاقته. Ainsi, un engagement. La personne se donne un engagement contre sa propre personne, donc une personne qui est pubère déjà et qui est capable, et il s'engage à accomplir un acte d'adoration qui, avant cet engagement, n'était pas une obligation pour lui. Mais il se l'est rendu par cet engagement obligatoire, et c'est parmi les œuvres avec lesquelles on se rapproche d'Allah si ce qui est voulu, l'objectif, c'est d'atteindre la face d'Allah. À condition que ce soit une obéissance sincère qui a des semblables dans les adorations et qu'elle soit dans la capacité de celui qui s'est engagé, qu'il est capable de le faire, qu'il ne s'engage pas sur une chose qu'il n'est pas capable d'accomplir. Kan yaqul al-mar, comme le fait que la personne dise lillahi alayya an asuma عدد كذا من الأيام أو أن أصلي عددا من الركعات أو غير ذلك من الطاعات. Comme par exemple le fait de dire, je m'engage auprès d'Allah de jeûner tant de jours, ou je m'engage auprès d'Allah d'accomplir tant de prières surrogatoires. Ça, c'est un engagement qu'il se prend, qu'il se donne. Ou toute autre forme d'obéissance. Au réalité, c'est comme notre ta'at. Wa qadim tadah Allah ta'ala alladhina yufuna bin nadhr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui s'acquittent de leur engagement. Faqala ta'ala yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Et Allah dit dans le sens du verset, et ils s'acquittent de leur engagement, de ce nadhr, et ils craignent un jour qui est difficile, c'est-à-dire le jour du jugement dernier. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, والحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui fait vœu ou qui s'engage à obéir à Allah, alors il se doit de lui obéir. Et celui qui s'engage à désobéir à Allah, qui ne lui désobéisse pas. Donc celui qui s'est engagé, et c'est souvent les gens, en échange d'une chose, par exemple, ils disent, « Oh Allah, si tu me facilites telle épreuve, eh bien, je jeûnerai pour toi tant de jours. Oh Allah, si tu me guéris de telle maladie, je donnerai tant d'argent en aumône. Oh Allah, si tu guéris mon enfant, j'accomplirai une umra pour toi. » Et ainsi de suite. Donc, l'engagement que tu as pris, c'est un devoir pour toi de t'en acquitter. C'est toi-même qui as pris l'engagement, et là, ça devient une obligation pour toi. Mais si l'engagement que tu avais pris, c'était une désobéissance, quelque chose qui déplaît à Allah, quelque chose d'interdit, alors là, tu n'as pas le droit de t'acquitter de cet engagement. Pourquoi ? Parce que ce sur quoi tu t'es engagé est une désobéissance, c'est une chose qui est interdite. Rabi'an, quatrième sorte d'adoration, al-dhabhu wal-nahr, l'immolation, l'abattage, hein? D'immoler une bête. Et en arabe, on a le terme al-dhabh, qui est l'égorgement de la bête. Et on a al-nahr, c'est ce qui est réservé pour les chameaux et les dromadaires, hein? C'est un coup de la lame dans le bas du cou. الذبح والنحر وهو من أنواع العبادة التي ضل فيه الناس وصاروا يتقربون به لغير الله. Et l'immolation, l'abattage, est une des sortes d'adoration dans laquelle beaucoup de gens, des gens se sont égarés et ils en sont arrivés à se rapprocher avec cette adoration qui est l'immolation pour autre que Allah. Et ça, on le voit. Ils ramènent avec eux des bêtes en offrande devant les mausolées, devant les tombes, et ils les immolent à ces endroits-là. Et il y en a, ils le font au nom d'autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout cela est interdit. L'immolation en elle-même, cette action d'égorger, d'immoler et de sacrifier la bête, c'est un acte d'adoration. On le fait pour Allah. Et on le fait au nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. كالذبح عند قبور الأولياء والصالحين بدعوى أن هذه الصدقة لا تصل إلى الله إلا عن طريق شيخ معين وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. Comme le fait d'immoler les bêtes près des tombes, des saints et des vertueux, en prétendant que c'est une aumône qui n'atteint pas Allah, si ce n'est par la voie ou le chemin d'un shir précis. Et voilà le polythéisme majeur en lui-même. وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يُخْلَصَ لَهُ الْعَمَلْ فِي الذَّبْحِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Et Allah, élevé soit-il, ordonne la sincérité dans toute action, et parmi lesquelles l'immolation et toute autre forme d'adoration, qu'elle doit être vouée exclusivement, réservée spécialement à Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah le très haut nous dit dans le sens du verset, dit, ma prière, mon sacrifice, mon immolation des bêtes, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Tout cela appartient à Allah, qui n'a pas d'associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des soumis. Wa qala ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Et le Très-Haut dit, dans le sens du verset, prie donc, Prie donc pour ton Seigneur et immole. Tu dois accomplir la prière pour Allah et tu dois immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah. Et le prophète alayhi salatu wa salam dit dans ce hadith alladhi akhrajahu Muslim wa an-Nasa'i wa Ahmad, il dit alayhi salatu wa salam, Allah a maudit celui qui égorge, celui qui sacrifie pour autre que Allah. Le prophète nous dit qu'il est maudit par Allah. Être maudit par Allah, c'est que tu n'as pas de part dans la miséricorde d'Allah. Tu es éloigné, rejeté de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bel innahu sallallahu alayhi wa sallam. بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح حتى في الأماكن التي يعبد فيها غير الله أو التي تقام فيها أعياد الجاهلية. Plus que ça, le prophète sallam a interdit d'immoler, de sacrifier la bête dans les endroits dans lesquels on adore autre que Allah, ou dans les endroits où on y accomplit des fêtes de l'époque pré-islamique, des fêtes contraires à l'islam. Subhanallah. Tout ça pour fermer la porte à toute forme de déviance qui peuvent amener au plus grand crime et au plus grand mal et au plus grand péché qui est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Lima rawa Thabit ibn al-Dahhak radiyallahu anhu anna rajulan nazara an yanhara ibilan ببوانه ببوانه وهي جبل قرب المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد فقال لا قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية قال لا قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. Et le prophète Thabit ibn al-Dahhak, ce compagnon, radiallahu anhu, rapporte qu'il y avait un homme qui avait pris un engagement d'immoler des dromadaires vers une montagne qui s'appelle Bawana, qui est proche de Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le questionna avant qu'il accomplisse ou qu'il s'acquitte de son engagement. Il lui demanda, est-ce que cet endroit-là, cette montagne qui s'appelle Bawana, là où tu as envie d'aller immoler ces bêtes-là, où tu t'es engagé d'y immoler ces bêtes, est-ce un endroit où auparavant il y avait une idole, une statue qui était adorée en dehors d'Allah? Il lui a dit non. Et il lui a demandé, est-ce que c'est un endroit dans lequel on y fêtait des fêtes de l'époque pré-islamique, des fêtes contraires à l'islam? Il lui a dit non. Il lui a dit alors, acquitte-toi de ton engagement. Acquitte-toi. S'il avait dit oui, il aurait dit ne va pas le faire là-bas. Mais puisqu'il a dit non, il n'y a ni ça, ni ça, il lui a dit tu peux y aller. Acquitte-toi de ton engagement, car il n'y a pas à s'acquitter de son engagement dans une désobéissance à Allah ou dans une chose que le fils d'Adam ne possède pas. وهناك أنواع كثيرة من أنواع العبادة. Et il y a plein d'autres formes d'adoration كالمحبة والخوف والرجاء والخضوع والخشوع والخشية والإنابة وغير ذلك من كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل. Comme l'amour, la peur, l'espoir, l'humilité, la crainte, le repentir et plein d'autres formes et de sortes d'adoration avec lesquelles on se rapproche d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ تَقَرَّبَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ. Donc quiconque viendra se rapprocher avec ces actions-là, avec ces adorations-là, se rapprocher d'autre que Allah avec ces adorations-là, alors celui-là, il aura commis du polythéisme et il aura associé à Allah avec Allah autre que lui. وما تقدم من الآيات تأمر بالإخلاص تحتم وتوجب على العبد أن يصرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. Et ce qu'on a vu précédemment comme verset qui ordonne l'insincérité, qui ordonne l'insincérité, cela nous prouve qu'il est un devoir pour le serviteur de réserver toutes les sortes d'adoration que pour Allah seul, sans rien lui associer. As-Sadis, sixième chapitre, Ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Ce qui est rapporté, ce qui est dit concernant ar-ruqa et at-tama'im. Ar-ruqa, c'est ce qu'on récite pour se guérir ou guérir les autres. Hein? En français, ils disent c'est de l'exorcisme. Wa at-tama'im, ce sont les talismans, hein, les objets ou les choses qu'on s'accroche, soi-disant, pour être guéri ou chercher une protection. Ar-ruqa, jam'u ruqya. Donc ar-ruqa, c'est un terme pluriel du terme ruqya. Wa hiya al-azaim allati yuqra'u biha 'ala al-marid ma'a an-nafath bir-riq. Et c'est les formules qu'on récite sur le malade en soufflant en même temps et qu'il y a un peu de postillon, hein, wa yakhtalifu hukmuha bihasbi naw' ar-ruqya. Et le jugement concernant la ruqya, il diffère selon la sorte de ruqya, selon la sorte de ruqya, kama sanubayyinu, comme nous allons le montrer. Amma at-tama'im فهي جمع تميمة. Le terme tamaim, qui sont les talismans ou tout objet qu'on s'accroche, c'est le pluriel du terme تميمة. وهي خرزة أو حجاب يعلق على الصبيان وربما علقت على غيرهم خشية العين. Donc c'est tous ces objets, ces talismans qu'on accroche sur les enfants ou qu'on accroche sur autres que les enfants de peur d'être touché par le mauvais œil. De peur d'être touché par le mauvais œil. وقد جاء النهي عن الرقى والتمائم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Et والحديث أخرجه أبو داود رحمه الله. Et il est rapporté dans un hadith, l'interdiction de ces choses, hein, que ce soit de l'exorcisme ou les talismans ou autres, dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les ruqya, que les talismans, c'est du polythéisme. وَذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ مَسْعُودٍ radiallahu anhu رَأَى عَلَى زَوْجَتِهِ زَيْنَبْ خَيْطًا فسألها عن ذلك فقالت إنه خيط وقد رقى لها فيه قد رقي لها فيه من أجل مرض في عينها فقطعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك إنما ذلك الشيطان ينخسها حتى إذا رقى ذلك اليهودي سكنت وإنما يكفيك أن تقولي أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Et ceci parce que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anh a vu dans la main de sa femme ou sur sa femme un fil. Et il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, c'est un fil sur lequel on y a récité des formules à cause d'une maladie qu'elle avait à l'œil. Et Abdullah ibn Mas'ud a arraché ce fil. Et il a dit, la famille de Abdullah ne sont pas dans le besoin d'un quelconque polythéisme. Ça, c'est Shaytan, hein, qui amène cela. De ce qu'au fond de formules récitées par un juif, alors qu'il te suffisait de dire, oh Allah, éloigne-moi le mal, tu es le Seigneur des hommes, et guéris, c'est toi le guérisseur. Il ne peut y avoir de guérison si ce n'est ta guérison, une guérison qui ne laisse aucun mal derrière. Wa hadith Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dalla ala anna hadhihi al-umur al-thalatha ar-ruqa wat-tamaim wat-tawalah min ash-shirk. Et le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud prouve que ces trois choses, hein, qui sont les talismans, le fil et les formules de ruqya, c'est du polythéisme. Wa fihi tafsil. Mais il y a un détail là-dessus. Il y a un détail sur cette question. فَإِنَّ الرُّقَى الْمُحَرَّمَةَ الشِّرْكِيَّةَ hein? Les formules de ruqya interdites sont celles dans lesquelles on retrouve du polythéisme. هِيَ الَّتِي تَشْتَمِلْ عَلَى أَيِّ نَوْعِ مِنَ الشِّرْكِ. C'est celle où on retrouve dedans hein, des sortes ou des formes de polythéisme. كَالِسْتِعَاذَ بِغَيْرِ اللَّهِ وَالِسْتِعَانَ بِغَيْرِهِ. Hein, comme le fait de demander protection à autre que Allah ou de demander l'aide à autre que Allah. Wa idhan farruqya al-ja'iza hiya allati takhlu min shawa'ib ash-shirk. Donc la ruqya, les formules de ruqya autorisées sont celles où on ne trouve aucune trace de polythéisme. Fan-nahyu 'an ar-ruqa laysa 'ala 'umumihi. Donc l'interdiction de la ruqya n'est pas dans sa généralité. Wa inna ma huwa mukhassasun bil adilla allati tujizu ar-ruqya. Mais il y aura une précision concernant cette généralité, sort de cette généralité, hein, les ruqya dans lesquels il n'y a pas de polythéisme, et cela est permis. Wallati minha al-hadith al-muttafaq 'ala sihhatihi la ruqya illa min 'aynin aw humma. Hein? Et parmi ces textes, il y a le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et que le prophète sallam a dit, il ne peut y avoir de ruqya si ce n'est contre le mauvais œil et contre le poison du scorpion. Wal-ayn hiya al-isaba bi maradin natijatan li nadratin min shakhsin lam yadhkur Allah tabaraka wa ta'ala حينما يعجبه امر من الامور ولم يقول ما شاء الله وهي حق وتاثيرها ثابت بالنصوص الصحيحه منها قوله صلى الله عليه وسلم العين حق. Et le mauvais œil, qu'on appelle en arabe al-ayn, le mauvais œil, c'est d'être touché par un mal du fait du regard de quelqu'un, du regard d'une personne qui au moment de cela ne s'est pas rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a regardé un regard en toi sur une chose qui l'intéresse et qui l'aime et qui l'étonne, et il n'a pas dit masha Allah. Et le mauvais œil est une réalité, ça existe et son effet est réel. Et il y a rapporté à ce sujet des textes authentiques, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Le mauvais œil est vérité. » Et il existe. « Wal hadith akhrajahu al-Bukhari wa muslim. »« Wal humma bil ha al-muhmala al-madmouma wal-mim al-muharraka al-maftouha wa ta hiya summu al-aqrab. » Donc, « al-humma » puis il a précisé comment elle doit être, ce mot-là, comment il est prononcé. C'est « al-humma ». Al-humma, c'est quoi? C'est le poison du scorpion. Quelqu'un qui a été piqué par un scorpion. وَقَدْ سَأَلَ الصَّحَابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّقَى الَّتِي كَانُوا يَفْعَلُونَهَا. Et les compagnons, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, ont questionné le prophète, sallam, sur les formules de ruqya qu'il faisait auparavant. Donc il demande, est-ce qu'on y a le droit ou est-ce qu'on n'y a pas le droit? Est-ce que c'est accepté ou pas? فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا رواه مسلم والترمذي. Donc dans ce hadith, le prophète sallam leur a dit, montrez-moi, ramenez-moi vos formules de ruqya. Qu'est-ce que vous faisiez comme ruqya? Ramenez-les-moi. Il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'il n'y a pas de polythéisme. tant qu'il n'y a pas de polythéisme. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي وقر على الرقية في أحاديث كثيرة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même a accompli la ruqya. Et on lui a fait la ruqya. Et il a accepté, hein, lorsque l'a entendu que des personnes ont fait la ruqya. عليه الصلاة والسلام dans plein de hadiths. وبناء عليه فإن الرقية تجوز بشروط. Et puisqu'on a vu cela, et sur cela, la ruqya elle est permise avec des conditions. Avec des conditions. أولا première condition أن تكون بكتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو بأسماء الله وصفاته أو الأدعية المأثورة عن السلف. Donc première condition, c'est qu'elle soit accomplie par des formules, des paroles qu'on retrouve dans le livre d'Allah, élevé soit-il, ou dans la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, ou elle est accomplie avec un des noms d'Allah ou un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou par des invocations et des formules qui nous sont rapportées des pieux prédécesseurs. Thaniyan, deuxième condition, أن تكون باللسان العربي إلا إذا كان الراقي لا يحسن العربية فيشترط أن يكون الدعاء المترجم موافقا للكتاب والسنة. Deuxième condition, que ce soit fait dans la langue arabe. Que ce soit fait dans la langue arabe. Sauf si celui qui fait la ruqya ne parle pas bien l'arabe, ne connaît pas l'arabe. Alors pour lui, la condition ce sera que l'invocation, la formule qu'il dit, qu'elle soit en conformité avec le livre et la sunna. Ce qu'il dit, hein, c'est en conformité, en concordance avec le Coran et la sunna. Thalithan, troisième condition, أن يعتقد عدم تأثير الرقية بنفسها فإن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب المشروعة للتداوي. Qu'il ait la conviction, qu'il ait la ferme conviction que la ruqya en elle-même, elle n'a pas d'effet et que la guérison provient d'Allah. Mais c'est une cause. Cette ruqya n'est qu'une cause parmi les causes légiférées, parmi les causes permises pour se soigner. Comme celui qui va chez un médecin, d'accord, parce qu'il est malade, il a un mal, il lui prescrit des médicaments. Et les médicaments sont une cause légiférée pour se soigner. Mais le soin, la guérison, elles viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, ce sont des moyens qu'Allah nous a mis et ce sont des causes. Donc ne pas avoir la conviction sur cette chose-là en elle-même et que c'est elle-même qui fait. Subhanallah. On dira en plus de cela concernant la ruqya parce que c'est un sujet qui est très très important et surtout de nos jours. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont des problèmes mais en vérité ils n'ont pas de problème. C'est plus du waswas. Donc ces gens-là, il faut qu'ils se rappellent beaucoup d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils soient en état d'ablution, qu'ils soient dans le droit chemin. Parce que tellement qu'ils s'éloignent d'Allah, tellement qu'ils vont dans des endroits mauvais, tellement qu'ils passent leur temps dans des choses mauvaises, eh bien, parfois, ils peuvent être touchés par quoi que ce soit, parmi les démons, parmi les hommes et les djinns. Pourquoi ? Parce que la personne ne se fortifie pas. Elle ne se préserve pas. Et dans l'islam, on t'enseigne ce qui te préserve et ce qui est un bien pour toi dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Rien n'est dû au hasard. Donc un bon musulman fait toutes les causes pour être protégé et pour être préservé. Donc, être dans le droit chemin. Et parmi les causes, de faire ses invocations. Les invocations dans les lieux et les moments où ils sont demandés. Et parmi ces invocations, il y a les invocations du matin et il y a les invocations du soir. Et dans beaucoup d'invocations, vous voyez, il est dit quoi ? Celui qui récite ça sera préservé, protégé jusqu'au soir. Et celui qui le fait le soir sera protégé jusqu'au matin. Et ainsi de suite. Subhanallah. Vous ne savez de combien de mal Allah vous protège par ces biais-là. Donc ça, c'est très important. Tayyib. Donc déjà, la personne, elle se doit elle-même de se purifier, de purifier son âme. Et de se fortifier. Les du'as, le dhikr est une fortification. C'est une citadelle. Hein, on ne peut t'atteindre. Tu es préservé. Mais si tu n'as pas de fortification, tu n'as pas de citadelle, tu es vulnérable. Et n'importe quel mal peut t'atteindre facilement. Donc ça, c'est déjà le premier point. Deuxième point, si vous pensez être touché par un mal, faites-le vous-même. Levez vos mains, hein, et récitez du Coran, récitez des du'as, postionnez dessus et passez-le sur la partie de votre corps. Faites-le vous-même. Un proche a un problème, faites-le entre vous. L'époux avec son épouse, l'épouse avec son époux, et ainsi de suite. À la base, c'est comme ça qu'il faut réagir. Maintenant, si quelqu'un a vraiment besoin et il est dans une détresse où il a besoin d'aller voir quelqu'un de compétent, quelqu'un de pieux et de connaisseur dans le domaine, qu'il le fasse, mais en faisant attention que ce ne soit pas un charlatan et que ce ne soit pas un sorcier. Parmi les marabouts, les médiums, les voyants et tous les autres, a'oudhoubillah, dont il est interdit de les approcher. Car beaucoup d'entre eux, si ce n'est tous, font des actes de mécréance et de polythéisme. Même s'ils maquillent cela par du Coran ou des hadiths, c'est que pour vous tromper en vérité. Que pour vous faire croire le contraire de la réalité. Et même des fois, quand les personnes dans le domaine de la ruqya l'accomplissent plus ou moins bien selon les préceptes, mais ils font des choses qui ne sont pas islamiques. Par exemple, il te pose des questions. Quel est le nom de ta mère ? Quel est ça ? Quel est ça ? Quel est ça ? Ça, ça n'existe pas dans la sunna. Ça n'existe pas dans la sunna, ce genre de choses. Tayyib. Autre chose, d'ouvrir des cabinets de ruqya comme des cabinets médicaux. Ça, ça n'existe pas dans la sunna. Et c'est contraire de la sunna. De faire de ce domaine, la ruqya, un métier. La personne se fait connaître pour la ruqya, et il a des cartes de visite. Tout ça, c'est contraire de la sunna. Ça n'existe pas dans la sunna. La ruqya, c'est une aide. Tu viens en aide à ton frère. Subhanallah. Tayyib. De mettre des tarifs précis et d'un horaire précis pendant 15 minutes, 20 minutes, et la personne, elle paye, et elle revient le lendemain, et elle repaye, et ainsi de suite. Ça, tout ça, ce sont des actions qui sont contraires de la sunna. Il t'est permis, de celui qui fait la ruqya, de réclamer quelque chose en échange. Ça lui est permis. Mais dans les textes, lorsqu'on voit les textes, ce qui est demandé, c'est après que la personne soit guérie de ce mal. Et il n'y a pas de faire en 15 minutes, en 10 minutes, et les personnes, voilà ce qu'ils font. Ça, c'est des choses qui sont contraires à la sunna. Et beaucoup de gens, parce que soi-disant, ils ne font pas comme les charlatans. Donc, ils disent, nous, on fait comme la sunna. Mais, en plus de cela, il y a eu le problème de l'amour de ce bas monde. Et l'amour de l'argent. Et ils ont vu que les gens étaient dans la détresse. Et que les gens sont prêts à dépenser. Et ils ont vu que c'était un moyen très, très, très facile de gagner leur vie. Ça, c'est contraire à la sunna. De même, de regrouper plusieurs personnes malades au même moment et de leur faire une ruqya regroupée. Ça, ça n'a pas de source dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est des déviances sur ces questions-là. Donc la ruqya, comme on vient de le voir, elle existe, avec les conditions qu'on vient de voir, mais ce n'est pas un métier, ce n'est pas une spécialité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de matière. Quand on étudie l'islam, la matière de ruqya. n'y a pas. Ruqya, alhamdoulilah, tu l'apprends. Et puis, voilà. Tu peux aider quelqu'un, tu l'aides. En l'aidant, tu as voulu réclamer quelque chose, tu peux réclamer. Mais ce n'est pas ton métier. Avez-vous déjà entendu un compagnon qui a fait comme métier ou qui a fait de son passe-temps la ruqya? Vous avez déjà entendu ça? Taïb. Un tabi'i. Taïb. Les grands imams de l'islam. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal. Taïb. Les grands savants de l'islam, de siècle en siècle. Avez-vous déjà entendu ça? Taïb. Les grands ulama de notre époque. Ben Baz, Al-Uthaymin, Al-Albani. Ceux qui sont morts, rahimahullah, et ceux qui sont encore vivants. Est-ce que vous avez déjà entendu un savant, sa spécialité, son passe-temps, c'est dans la ruqya? Allahu al-musta'an. Et qui vous dit qu'il ne leur est pas arrivé de faire la ruqya à leur propre personne, à des proches, ou à des gens qui leur ont demandé? Mais c'est, voilà, ils l'ont fait à ce moment-là, et c'est tout. Que dire que lorsqu'on vous voit ces gens-là aller chercher les malades? C'est eux-mêmes qui marchent et qui demandent. Tiens, je fais ruqya au fait. Hein. Subhanallah, laisse le malade venir à toi. Pourquoi tu cherches? Subhanallah, c'est du commercial. Il cherche des clients, wal'iyadhu billah. Ou alors il te voit, tu ne lui as rien demandé. Il dit, toi, tu as besoin de ruqya. Je t'ai demandé quelque chose. Subhanallah. C'est normal, les gens sont tellement dans un mal, ils ont tout, des moments difficiles, que celui qui vient leur dire ça, ils peuvent le croire. Et surtout les femmes. Un autre problème. Ne laissez pas les femmes un homme lui faire la ruqya. Wal'iyadhu billah. Des hommes demandent d'avoir le visage de la femme. Des hommes, au nom de la ruqya, touchent à la femme. Des hommes, on arrive même à s'isoler avec la femme. Wal'iyadhu billah. Dans la détresse, dans ce grand mal, les gens ne savent plus comment agir. Et parfois, ils ferment les yeux et ils font confiance à celui qu'ils ont appelé. Et en vérité, il y a le mal qui vient dedans. Wal'iyadhu billah. Et il y a eu des accidents à cause de cela. Et tout ceci est contraire à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. طيب on va s'arrêter là inshallah et le prochain cours ce sera après salat al-asr. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.